voici le premier épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé L'échappée belle. L'échappée belle. Des rebondissements dans le meurtre du célèbre parfumeur Jean-Claude. La police s'oriente désormais vers la thèse du complot financier. Tous les soupçons se tournent maintenant sur les anciens associés, les membres du clan Cardo. Il t'a convoqué, toi aussi ? Oui, j'ai reçu un fax sur mon mobile. Il veut nous voir. Je t'en prie, après toi. Bonjour papa, nous voilà. Installez-vous. Comme vous le savez, ces derniers temps, dès que je feuillette la télévision ou que j'allume mon journal, je n'entends plus parler que d'une seule chose. Notre future mise en examen pour meurtre. Au moins un examen que je réussirai. Il s'agit d'un meurtre, Paul, et la famille a sa part de responsabilité. Toi aussi, Marc, tu as été le témoin passif de notre cupidité. Tu crois que ça ne me fait rien ? Chaque matin, quand je reviens de discothèque, je brûle un cierge en priant l'archange de m'absoudre de ce fardeau. Et il n'est même pas baptisé, papa. C'est dire combien cette faute nous accable de honte. C'est dur pour chacun de nous. Le juge Silva a fait bloquer nos comptes à Lausanne et mon plan d'épargne populaire à Dunkerque. Nous sommes quasiment ruinés. Ça me donne la nausée. Nous sommes des pauvres. À cette humiliation, je ne souhaite pas ajouter la prison. C'est pourtant ce qui va se passer. Un mandat d'arrêt a été lancé contre nous, toujours par ce juge Silva. J'ai pris des dispositions. Nous allons quitter le Mexique. Hélène, faites préparer la limousine. Nous allons faire une balade. Champagne et caviar, monsieur ? Oui, et rajouter une trousse de maquillage et trois perruques blondes. Je vois, c'est une balade un peu spéciale. Oui, c'est ça. Il faut y aller, papa. J'entends les sirènes du FBI. Tu as raison, nous n'avons plus de minutes. Vite, roulez, Roberto ! Où est-ce que nous allons, papa ? À Demon Vegas. Dans ce sac, j'ai trois passeports suédois, au nom de Grut, Hansel et Gretel. Ils nous serviront à passer la frontière. Pour finir, mettez ces perruques blondes et du fond de teint blanc. Il faut passer pour de vrais Suédois, alors pas de traces de bronzage. Ah, c'était donc pour ça, les perruques ? Une dernière chose. Comme je suis atteint du syndrome Barracuda, je ne peux pas prendre l'avion. Paul et moi, nous prendrons le bateau. Toi, Marc, tu partiras en éclaireur par avion. Destination Demon Vegas. Tout ça est parfait, mais... il y a un hélicoptère au-dessus de la voiture. Allumez la radio, Roberto. RKWP. Bonjour, je suis en direct de l'hélicoptère de RKWP. Nous suivons actuellement la voiture du clan Cardo qui est lancée à vive allure et qui tente d'échapper au FBI. Roberto, prenez le tunnel Mazatlan. La voiture vient de s'engouffrer dans le tunnel Mazatlan. De là où nous nous trouvons, nous pouvons voir que la police a bloqué la sortie du tunnel. Leur arrestation est imminente. La voiture apparaît et tente de passer le barrage. Mais le FBI la stoppe et commence à faire sortir ses occupants. Mon Dieu, c'est incroyable! Il n'y a que le chauffeur. Le reste des passagers a dû quitter la voiture et fuir par l'entrée du tunnel. Il est très probable qu'il soit déjà en route pour la frontière. Embarquement immédiat pour Demon Vegas, porte 8. Bon voyage, monsieur Hansel. Ardentlite, Tag Fracken. Merci, mademoiselle.